Chapitre 9e. Tandis que je tâchais ainsi de m'occuper et de pourvoir à mes besoins, en attendant que la violence des poursuites excitées contre moi pût être un peu calmée, je me vis assaillir par une nouvelle source de danger à laquelle je ne songeais pas. Gainas, ce voleur qui avait été chassé de la bande du capitaine Raymond, avait toute sa vie été flottant entre les deux professions d'ennemi et d'agent de la justice. Je crois que, dans le principe, il s'était dévoué à la première, et vraisemblablement, son initiation dans les secrets du métier des voleurs l'avait rendu singulièrement expert dans l'art de les déterrer, emploi qu'il avait adopté par nécessité plutôt que par choix. Il avait acquis dans cette profession une brillante réputation, quoiqu'elle fût peut-être encore au-dessous de son mérite, car il en est de ce département comme de tous les autres de la société, quelque prudence et quelque habileté que puissent déployer les subalternes, les chefs en remportent presque toute la gloire. Il exerçait ses talents en ce genre avec les plus beaux succès, quand, par je ne sais quel accident, il arriva qu'un ou deux de ses exploits, dont la date était antérieure à l'époque où il avait quitté la bannière du brigandage illégal, furent dans le cas d'attirer un peu trop l'attention publique. Sur les avis réitérés qu'il en reçut, il jugea qu'il était prudent de décamper, et c'était pendant cette période de retraite qu'il était entré dans la troupe de X. Telle était l'histoire de cet homme avant qu'il eût été placé dans le poste où je l'avais rencontré pour la première fois. À l'époque de cette rencontre, il était déjà un des vétérans de la bande du capitaine Raymond, car les voleurs étant un peuple dont la vie est de courte durée, il ne faut pas beaucoup de temps pour parvenir chez eux à la dignité de vétéran. Après son expulsion de la compagnie, il revint à sa profession légale, et il fut reçu dans ce vercail par ses anciens camarades avec joie et félicitations comme une brebis égarée. Dans les classes vulgaires de la société, le laps de temps ne suffit pas pour effacer un crime, mais dans cette respectable confrérie, c'est une maxime reçue de ne jamais exiger d'aucun des frères compte de sa conduite, quand il est possible de s'en dispenser. Une autre maxime observée par ceux qui ont passé par les mêmes grades que Gainas avait parcouru, maxime que Gainas lui-même avait adoptée, c'était de réserver surtout pour les derniers ceux qui ont été complices de leurs expéditions et de ne jamais s'attaquer à eux à moins de grande nécessité ou de quelque amorce très puissante. Par cette raison, le capitaine Raymond et ses associés, selon le système de tactique suivi par Gainas, étaient à l'abri de ce qu'il appelait ses représailles. Mais quoique Gainas eût des principes d'honneur, en prenant le mot dans ce sens, malheureusement, je me trouvais dans un cas qui était hors des lois de l'honneur qu'il jugeait à propos de reconnaître. L'infortune m'enveloppait de toutes parts et me refusait toute espèce de protection ou de refuge. J'étais poursuivi, sur la supposition que j'avais commis un vol capital, montant à une somme énorme. Mais Gainas n'avait nullement participé au vol qu'on m'imputait. Il se souciait fort peu que la supposition fût vraie ou fausse, et il me haïssait aussi cordialement que si mon innocence eût été établie de manière à ne pas laisser jour au plus léger soupçon. Les deux aigrefins qui m'avaient arrêté à X rapportèrent à leurs confrères, suivant l'usage, une partie de l'aventure, et ils parlèrent des raisons qu'ils avaient de présumer que l'individu qui leur avait passé par les mains était ce même Caleb Williams, pour la capture duquel était offerte une récompense de 100 guinées. Gainas, qui était doué d'une sagacité supérieure dans ce qui avait rapport à sa profession, avait comparé les faits et les dates, et en avait inféré le soupçon que la personne attaquée et blessée par lui dans la forêt de X était ce Caleb Williams. Il nourrissait une haine implacable contre cette personne. J'étais la cause innocente de ce qu'il avait été chassé honteusement de la troupe du capitaine Raymond, et Gainas, à ce que j'ai su depuis, était intimement convaincu qu'il n'y avait pas la moindre comparaison à faire entre la noble et vaillante profession de voleur dont je l'avais fait sortir et le métier bas et mécanique auquel il s'était vu forcé de retourner. À peine eut-il reçu l'avertissement dont je viens de parler, qu'il jura de contenter sa vengeance. Il se décida à abandonner tout autre objet et à consacrer toutes les facultés de son intelligence à découvrir le lieu de ma retraite. La récompense offerte, que sa vanité lui faisait déjà regarder comme immanquable, lui semblait une indemnité suffisante de ses peines et de ses dépenses. Ainsi, j'avais contre moi toute l'habileté qu'il possédait en ce genre, aiguisée encore et stimulée par l'esprit de vengeance dans une âme qui ne connaissait aucun frein d'humanité ni de conscience. Le premier pas qu'il fit pour exécuter son projet, ce fut de s'en aller au port de mer où j'avais été arrêté. De là, il suivit ma trace jusqu'au bord de la Severne et des bords de la Severne jusqu'à Londres. Il n'est pas besoin, je pense, d'observer que rien n'est moins impossible quand le fugitif n'a pas couvert sa marche par des précautions à la fois parfaitement bien conçues et secondées par le plus grand bonheur dans l'exécution, surtout si son adversaire est aiguillonné par des motifs assez puissants pour mettre toute la persévérance possible dans sa poursuite. Gainas, il est vrai, fut souvent obligé, dans le cours de ses recherches, de faire de doubles marches, et comme le chien de chasse, l'emblème véritable de l'homme qui se livre à ce cruel emploi, toutes les fois qu'il se trouvait en défaut, il retournait à la place où il avait senti la dernière trace de la proie qu'il avait résolu d'exterminer. Il n'épargnait ni temps ni peine pour satisfaire la passion à laquelle, par choix, il s'était abandonné tout entier. À compter de mon arrivée à la capitale, il avait tout à fait perdu ma piste pour un moment. Londres étant un endroit si immense dans toutes ses dimensions, qu'il était assez à supposer qu'un individu y trouverait le moyen de demeurer parfaitement caché et inconnu. Mais j'avais là un nouvel adversaire qu'aucune difficulté n'était capable de décourager. Il alla d'auberge en auberge, supposant avec raison qu'il n'y avait pas de maison particulière où j'eusse pu trouver retraite sur le champ, jusqu'à ce qu'à la fin, par les renseignements qu'il donna et les sentiments qu'il chercha à exciter, il parvint à savoir que j'avais couché une nuit dans le faubourg Southwark. Mais il ne put pas en apprendre davantage. Les gens de l'auberge n'avaient pas la moindre connaissance de ce que j'étais devenu le lendemain matin. Néanmoins, cela ne fit que l'animer encore plus à ma poursuite. Il devenait dès lors plus difficile à me dépeindre, à cause du changement partiel que j'avais fait dans mon habillement le second jour de mon arrivée à Londres. Mais Gainas vint encore à bout de surmonter cet obstacle. Ayant suivi ma trace jusqu'à ma seconde auberge, il obtint là des renseignements plus étendus. J'avais été un objet de spéculation pour les moments de loisir de quelques-uns des gens attachés à cette maison. Une vieille femme, de l'espèce la plus curieuse et la plus bavarde, qui demeurait vis-à-vis, et qui s'est levée de très bonne heure ce même matin pour faire sa lessive, m'avait vu par la fenêtre, à la lueur d'une grosse lampe qui pendait au devant de l'auberge au moment où je passais la porte. Elle n'avait pu m'observer que très imparfaitement, mais elle se figurait néanmoins qu'il y avait dans mon air quelque chose de juif. Elle avait coutume de tenir tous les matins avec l'hôtesse une conversation à laquelle assistaient de temps en temps les garçons et les filles de l'auberge. Dans le cours de la conférence qui avait eu lieu dans cette matinée, elle avait fait quelques questions sur le juif qui avait couché la veille dans la maison. On n'avait pas eu de juif à coucher. La curiosité de l'hôtesse avait été excitée à son tour. D'après l'heure, ce ne pouvait pas être un autre que moi. Voilà une aventure fort étrange. On avait comparé ensemble les différentes remarques sur mon air et sur mon habillement. Jamais deux choses n'avaient eu moins de rapport. Toutes les fois qu'il y avait entre ces commères disettes de nouvelles pour entretenir leur babil, c'était le juif chrétien qui revenait sur le tapis et qui fournissait matière à la conversation. Les informations que Gainas avait recueillies dans cet endroit paraissaient d'une grande conséquence, mais pourtant il se passa quelque temps sans qu'elle tinsse tout ce qu'elle avait semblé promettre. Il ne pouvait pas s'introduire dans chacune des maisons particulières où on recevait du monde pour loger avec la même facilité qu'il l'avait fait dans les auberges. Il parcourait toutes les rues et l'examinait de l'œil le plus curieux et le plus attentif l'air et la démarche de tous les juifs qui se trouvaient à peu près de ma taille, mais en vain. Il se rendait souvent à Duke's Place, il fréquentait les synagogues. Ce n'est pas que dans le fait il espéra réellement me trouver dans ces différents endroits, mais c'était des moyens qu'il employait faute d'autres et en désespoir de cause. Plus d'une fois, il fut sur le point d'abandonner l'entreprise, mais son insatiable soif de vengeance l'y rappelait toujours. Son esprit était dans cet état de trouble et d'irrésolution lorsqu'il s'avisa d'aller un jour rendre visite à un frère qu'il avait, premier ouvrier dans une imprimerie. Il y avait peu de commerce entre ces deux personnes, dont les inclinations et les habitudes n'avaient pas le moindre rapport. L'imprimeur était sage, laborieux et porté à amasser. Il était extrêmement mécontent de la conduite et du genre de vie de son frère, et il avait fait des efforts inutiles pour l'en retirer. Mais, malgré cette grande différence dans leur façon de penser respective, ils se voyaient quelquefois. Gainus aimait à faire parade de ses exploits, au moins de tous ceux dont il osait risquer le récit, et son frère était un auditeur de plus à joindre à ceux auxquels il avait coutume de raconter ses prouesses. Les saillies piquantes et les anecdotes singulières, dont la conversation de Gainus était remplie, amusaient beaucoup l'imprimeur, et malgré sa bigoterie et ses préjugés, il ne pouvait se défendre d'un secret plaisir d'être le frère d'un homme aussi extraordinaire par son adresse et son courage. Après avoir écouté cette fois, pendant un certain temps, les récits merveilleux que Gainus faisait à sa manière, l'imprimeur se sentit le désir d'amuser aussi à son tour son frère par quelques contes. Il se mit donc à lui débiter quelques-unes de mes histoires de Cartouche et de Guzman d'Alfarache. Elles piquèrent l'attention de Gainus. Son premier mouvement fut de la surprise. Le second fut de la jalousie et du dépit. Où l'imprimeur avait-il pu apprendre de pareilles histoires? On satisfit à sa question. « Je vous dirai, dit l'imprimeur, que pas un nous ne sait que penser de l'auteur qui nous fournit ses articles. Il écrit en vers, en morale, en histoire. Je suis imprimeur et correcteur d'épreuves et, sans vanité, je crois que je puis me flatter de me connaître assez passablement à toutes ces choses-là. À mon avis, il écrit dans tous ses différents genres avec beaucoup de finesse, et pourtant croiriez-vous que ce n'est pas autre chose qu'un juif ? Aux yeux de mon honnête imprimeur, c'était une chose aussi étrange que si ses ouvrages eussent été faits par quelque chef de Cherokee au bord du Mississippi. Un juif ? Et d'où le connaissez-vous ? L'avez-vous jamais vu ? Non, c'est une femme qui nous a toujours apporté jusqu'à présent ses articles. Mon maître ne peut pas souffrir le mystère. Il aime avoir ses auteurs. Aussi ne cesse-t-il de tourner et retourner la vieille de toutes les manières, mais il ne peut jamais en tirer la moindre chose, si ce n'est qu'un jour il lui échappa de dire que le jeune auteur était juif. Un juif, un jeune auteur, un homme qui ne traite que par tierce personne et qui se cache aux yeux de tout le monde. Quelle ample matière pour les soupçons et les conjectures de Gainus! Il y fut encore confirmé, sans se rendre compte de la suite de ses idées, par le sujet de mes productions qui était, comme je l'ai dit, des histoires d'hommes dont les jours avaient été terminés par la main du bourreau. Il n'en dit pas davantage à son frère, si ce n'est qu'il lui demanda d'un air indifférent quelle espèce de femme c'était, de quel âge elle pouvait être, et s'il lui apportait souvent des ouvrages de ce genre. Et bientôt après, il prit occasion de s'en aller. Cet avis inespéré fut reçu par Gainus avec une extrême joie. Ayant recueilli de la bouche de son frère des renseignements suffisants sur l'air et la personne de Madame Marnay, et apprenant qu'elle devait apporter quelque chose le lendemain, il prit son poste de très bonne heure dans la rue afin de ne pas courir le risque de manquer l'occasion. Il attendit plusieurs heures, mais ce ne fut pas pour rien. Madame Marnay parut effectivement. Il guetta sa sortie, et après environ 20 minutes, il la vit se mettre en chemin pour retourner. Il la suivit de rue en rue. À la fin, il la vit entrer dans une maison particulière, et il commença à se féliciter en lui-même d'être enfin arrivé au terme tant désiré de ses travaux. La maison où elle était entrée n'était cependant pas celle où elle demeurait. Par un hasard qui tient du prodige, elle avait observé que Gainus la suivait dans la rue. En revenant chez elle, elle avait vu une femme qui se trouvait mal. Mue par la compassion qui lui était si naturelle, elle s'était approchée de la malade pour lui prêter du secours. Aussitôt la foule les avait entourées. Madame Marnay, après avoir fait tout ce qu'elle pouvait dans la circonstance, avait cherché à reprendre le chemin de son logis. Voyant la foule autour d'elle, elle avait songé au filou et avait mis ses deux mains sur ses poches, en promenant en même temps ses regards sur le monde qui l'environnait. Elle avait quitté brusquement ce cercle de populace, et Gainus, qui de peur de la perdre dans la foule, avait été obligé de l'approcher davantage, était à ce moment précisément vis-à-vis d'elle. Il avait une figure singulièrement remarquable. Toute l'astuce de la méchanceté et l'intrépidité de l'impudence étaient écrites sur chaque trait de son visage. Et sans être philosophe ni physionomiste, Madame Marnay en avait été fortement frappée. Cette bonne dame, comme la plupart des personnes vives et agissantes, avait une manière particulière de gagner sa maison. Au lieu de suivre les rues, elle enfilait une quantité de petites ruelles et de passages compliqués qui tournaient quelquefois brusquement de l'un dans l'autre. Dans un de ceux-ci, elle avait rencontré par hasard l'œil de ce même homme dont l'aspect l'avait frappée et qui semblait ne pas la perdre de vue. Cette circonstance, jointe à l'air singulier qu'elle lui trouvait, lui avait fait naître des inquiétudes. Cet homme n'était-il pas occupé à la suivre? C'était le milieu du jour et elle n'avait rien à craindre pour elle personnellement. Mais ceci ne pouvait-il pas avoir quelque rapport à moi? Elle s'était rappelé les précautions et le mystère dont je m'enveloppais, et ne doutait pas que je n'eusse de fortes raisons pour en agir ainsi. Elle se souvenait bien d'avoir toujours été sur ses gardes à mon sujet. Mais y avait-elle été suffisamment? Elle sentait que si jamais lui arrivait d'être la cause qu'il m'arrivait un malheur, elle ne s'en consolerait de sa vie. Elle s'était donc déterminée, par manière de précaution et crainte de pire, d'entrer dans la maison d'un de ses amis et de me faire parvenir un mot d'avis de ce qui lui était arrivé. Aussitôt donc qu'elle eut donné à cet ami les instructions nécessaires, elle sortit sur le champ pour aller faire visite à quelqu'un dans un quartier directement opposé, après avoir recommandé au messager qu'elle m'envoyait de ne partir pour faire sa commission auprès de moi que 5 minutes après son départ. Par cette conduite prudente, elle me tira entièrement du danger qui me menaçait alors. Cependant, l'avertissement qui me fut apporté ne me donna nullement à connaître toute la conséquence du péril que j'avais à redouter. Pour tout ce que je pouvais y voir, les circonstances me paraissaient fort indifférentes, et il me semblait que toute la frayeur ne procédait que de l'extrême prévoyance et de la trop vive affection de cette excellente femme. Tel était néanmoins le malheur de ma situation que je n'avais pas à choisir. Que ma tranquillité fût ou non menacée par cet événement, je me voyais obligé d'abandonner en un instant mon habitation, sans prendre avec moi autre chose que ce que je pouvais emporter dans mes mains. De renoncer à voir davantage ma généreuse bienfaitrice, de laisser là tous mes arrangements et mes petites provisions, d'aller encore, dans quelque retraite isolée, recourir à de nouveaux projets, et chercher à faire, si je pouvais raisonnablement l'espérer, un nouvel ami. Je descendis donc dans la rue avec le cœur gonflé, mais avec mon parti bien pris. Il était grand jour. Je crains, me disais-je, qu'il n'y ait en ce moment des personnes qui rôdent dans les rues pour me chercher. Il est très possible qu'elles dirigent leur poursuite dans une autre route que la mienne, mais je ne dois pas me fier à cette chance. Je traversai donc une demi-douzaine de rues et me glissai ensuite dans une espèce de gargote où l'on donnait à manger à bas prix. J'y pris quelques nourritures et après y avoir passé plusieurs heures dans de profondes et tristes réflexions, je finis par demander un lit. Néanmoins, dès qu'il fit sombre, je sortis pour acheter l'attirail d'un nouveau travestissement, ce qui était absolument indispensable. Après l'avoir ajusté, pendant la nuit, du mieux qu'il me fut possible, je quittai ce lieu avec les mêmes précautions que j'avais déjà prises en pareil cas.